Chapitre 4. C'était une règle établie que Ghislaine se couchât tous les soirs à 9h30. Mais ce jour-là, si elle entra dans sa chambre à l'heure réglementaire, ce ne fut pas pour se mettre au lit. Elle était trop agitée pour penser à dormir. Et après avoir fait le voyage de Paris à Chambray, sous les regards curieux de Lady Cappadoce, qui ne la quittait pas, elle avait besoin d'être libre pour réfléchir. Sa porte close, elle l'était. Jusqu'à 15 ans, elle avait habité sa chambre d'enfant, à côté de sa gouvernante au premier étage. Mais alors son oncle avait voulu qu'elle prît l'appartement de sa mère, qui se composait de 4 pièces au rez-de-chaussée, dans l'aile droite du château. Un petit salon, une chambre à coucher qui était immense, avec 6 fenêtres, 2 sur la cour d'honneur, 2 sur l'avant-cour et 2 sur les jardins, un vaste cabinet de toilette avec salle de bain et un autre cabinet où couchait une femme de chambre. Lady Cappadoce s'était opposée à ce changement qui lui semblait amoindrir son autorité. Mais c'était justement en vue de cet affaiblissement d'autorité que M. de Chambray avait imposé sa volonté. Ne fallait-il pas préparer l'enfant à l'émancipation? Pour cela, le mieux était de l'habituer à une certaine liberté. Chez elle, dans l'appartement qu'avaient toujours habité les princesses de Chambray depuis 200 ans, Ghislaine n'était plus une petite fille. Une fois dans sa chambre, Ghislaine commença par éteindre sa lampe. Puis, ouvrant une des fenêtres qui donnent sur les jardins, elle resta à rêver en laissant sa pensée se perdre dans les profondeurs du parc qu'éclairait la pleine lune. Respectueux de la tradition, les princes de Chambray n'avaient apporté aucun changement aux dispositions primitives de leur château et de leur parc. Tels ils les avaient reçus de leur père, tels ils les avaient conservés. Chaque fois que les dégradations du temps l'avaient exigé, ils avaient fait réparer le château, mais sans jamais accepter des restaurations plus ou moins savantes qui auraient altéré son caractère. De même pour le mobilier, ils avaient changé les étoffes toutes les fois qu'elles s'étaient trouvées usées, mais toujours en respectant l'harmonie de l'ensemble. Ainsi, le meuble de la chambre de Ghislaine, qui, dans son neuf, sous Louis XIV, était en velours de Gênes, avait été recouvert de velours à parterre sous Louis XVI, et de nouveau en velours de Gênes lorsque plus tard celui-ci avait repris son ancien nom. Dessiné par le nôtre, les jardins et le parc qui leur faisaient suite n'avaient jamais subi les embellissements des paysagistes, et tandis qu'on voyait à Versailles le bassin de l'île d'Amour devenir le jardin du roi, aux Tuileries les vieux parterres se modernisaient, Chambray restait ce qu'il avait toujours été avec ses avenues droites, ses arabesques de gazon et de buis, ses charmilles en portique, ses ifs et ses cyprès taillés, ses pièces d'eau, ses bassins, ses escaliers, ses terrasses, ses balustres, ses vases de marbre et ses statues. Bien souvent, depuis 3 ans, en entrant dans sa chambre, elle était ainsi venue s'asseoir à cette place. Certaine de n'être pas surprise par Lady Cappadoce, qui, habitant au-dessus d'elle, ne voyait pas cette fenêtre, elle pouvait rester là aussi longtemps qu'elle voulait. C'étaient les seuls moments de la journée où elle eut sa liberté d'esprit et ne fut pas exposée à entendre sa gouvernante, toujours aux aguets, lui dire de sa voix des rappels à l'ordre « À quoi pensez-vous donc, mon enfant? Ne vous abandonnez pas aux fantaisies de la rêverie, n'est-ce pas ?» Quand on a sœur, amie, camarade, confident, on peut n'être pas bavard avec soi-même. Mais des confidents, elle n'en avait pas d'autre que cette partie du jardin et du parc, que de cette fenêtre son regard embrassait. Sans doute, de dedans son lit, elle eût pu bien tranquillement se confesser à quelque coin de sa chambre ou à quelque meuble, mais ils n'eussent été que de muets confesseurs, tandis que le jardin et le parc étaient des êtres vivants qui lui parlaient. Que la neige couvrit la terre de son drap blanc, qu'au contraire le parfum des orangers passa dans l'air tiède, pourvu que la lune brillât, c'étaient de longues conversations qu'elle engageait avec ses arbres et ses statues. Elle leur disait ce qu'elle avait dans le cœur ou dans l'esprit, et ils lui répondaient, et toujours elle les trouvait en accord avec ses sentiments. Tristes, ils étaient tristes aussi. « Tu te plains d'être abandonné? Mais nous? Tu te plains de ta solitude? Mais la nôtre? Tu penses mélancoliquement au présent et à l'avenir, en te rappelant le passé? Et nous? » Mais ce soir-là, ce ne fut pas par des plaintes que ses confidents lui répondirent. comme ils s'étaient associés à ses tristesses, ils s'associèrent à ses espérances. On allait donc revoir les fêtes d'autrefois, les promenades des amis dans les allées, les danses dans les charmilles illuminées, les joyeuses cavalcades qui traverseraient le parc pour gagner le rendez-vous de chasse dans la forêt. L'entretien se prolongea, et la nuit était si douce, éclairée par la pleine lune de mai, parfumée par les senteurs des roses et des chèvrefeuilles, qu'il était tard lorsqu'elle se décida à fermer doucement sa fenêtre et se mettre au lit. Mais le sommeil ne vint pas tout de suite, et quand à la fin elle s'endormit, ce fut pour continuer son rêve de la soirée. Le temps avait marché. On célébrait son mariage avec le comte d'Unières, dans l'église Saint-François-Xavier. Elle avait la toilette ordinaire des mariés, la robe de satin blanc et le voile en point d'Alençon. Mais le comte était un prince charmant, celui de la belle au bois dormant, tel qu'elle l'avait vu dans les dessins de Doré, juste au corps de satin rose, toque à plumes et épée. En même temps, par un dédoublement de personnalité tout naturel dans un songe, elle assistait au baptême de son premier-né. Ce n'était point l'habitude de Ghislaine d'être distraite pendant ses leçons. Mais le lendemain, quand M. Lavalette commença son explication de Chatterton, elle montra une inattention qui frappa Lady Cappadoce. Évidemment, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Quand la leçon finit, M. Lavalette se retira. La gouvernante l'accompagna jusque dans la cour où attendait la voiture qui devait le reconduire à la station. « Je suppose, dit-elle en marchant près de lui, que vous avez remarqué le trouble de votre élève. »« Mon Dieu, non, répondit le professeur, qui n'était pas homme à remarquer quoi que ce fût quand il s'écoutait parler. « C'est à peine si elle vous a entendu. »« Vraiment ? » ?»« Son esprit était ailleurs, et il n'y a rien d'étonnant à cela, avec un pareil sujet. »« Mais il est anglais, ce sujet. » « Non, monsieur, dites que les personnages ont des noms anglais. Je vous l'accorde. Mais pour les sentiments, les idées, les mœurs, les actions, ces gens-là sont des Français. Et voilà le mal, le danger. Croyez-vous qu'un pareil sujet, traité comme il l'est, ne soit pas de nature à éveiller les idées d'une jeune fille ? Et comment voulez-vous que j'enseigne notre littérature contemporaine sans parler de ses œuvres typiques ? Eh bien, monsieur, ne l'enseignez pas. Tenez-vous-en à des modèles plus anciens. Pour moi, j'ai appris le français dans les mémoires de Joinville, et je m'en suis bien trouvé. « C'est un point de vue, » dit le professeur, qui ne voulait pas engager une discussion inutile. « Je le soumettrai à M. le comte de Chambray. »« Alors, je l'en entretiendrai moi-même demain, » répliqua Lady Cappadoce, qui n'avait jamais admis qu'on lui répondît ironiquement. Mais le lendemain, elle ne put pas réaliser ce dessein, car lorsque M. de Chambray arriva, il emmena Ghislaine dans le jardin comme il l'avait fait le jour de l'émancipation, et elle en fut réduite à les observer de derrière une persienne pour tâcher de comprendre, à l'art pantomime, ce qu'il se disait. Malheureusement, elle était si discrète, cette pantomime, qu'elle ne laissait rien deviner. La pluie, le beau temps, un mariage, une affaire d'intérêt, il pouvait être aussi bien question de ceci que de cela. « Eh bien, mon enfant, as-tu pensé à ce que je t'ai dit avant-hier ? » avait commencé M. de Chambray lorsqu'ils avaient été à une certaine distance de la maison. « Oh, mon oncle, pouvez-vous le demander ? Et tu as trouvé ? Comment voulez-vous que je sache ? En me disant le nom ou les noms qui te sont venus à l'esprit. Mais je vous assure que cela m'est tout à fait difficile. Je n'ose pas. Pourquoi ? Nos sentiments ne se décident-ils pas, le plus souvent, en vertu de certaines affinités mystérieuses dans lesquelles notre volonté ne joue aucun rôle ? Ce que je te demande, c'est uniquement si parmi les jeunes gens que tu as vus et qui peuvent être des maris pour toi, il en est un ou plusieurs pour qui tu te sentes de la sympathie. Cela, rien de plus. Il y en a un qu'une jeune fille dans ma position pourrait, il me semble, accepter pour mari. Un seul ? J'ai vu si peu de monde. C'est vrai. Eh bien, quel est ce mari possible ? Elle hésita un moment, détournant la tête pour cacher sa confusion, car il lui semblait que c'était là un aveu. Son oncle lui prit le bras, et le passant sous le sien, il continua d'un ton tout plein d'une tendre affection. « Crois-tu que je ne t'aime pas assez pour mériter d'être ton confident ? Ce n'est pas du confident que j'ai peur, c'est de la confidence. Mais j'ai tort, je le sais, et ne veux pas plus longtemps me défendre sottement. J'ai pensé à M. d'Unières. » Il poussa une exclamation de joie. « Eh bien, ma mignonne, c'est précisément de d'Unières qu'il s'agit. » « Tu vois maintenant combien j'ai eu raison de t'imposer cette épreuve. Un peu aventureuse, j'en conviens. Elle est décisive et me prouve que nous pouvons nous engager dans ce mariage avec la certitude qu'il sera heureux. Vous vous êtes vus 4 ou 5 fois. 3. C'est encore mieux. Les affinités dont je parlais se manifestent le plus franchement. Sans vous connaître, vous avez été l'un à l'autre attirés par une sympathie qui ne demande qu'à devenir un sentiment plus tendre, et qui le deviendra. Tu m'aurais demandé un mari que je ne t'en aurais pas choisi un autre que Dunière. Tu as fait ce choix toi-même. C'est beaucoup mieux. De tous les jeunes gens que j'ai observés en pensant que j'aurai un jour la responsabilité de ton mariage, je n'en connais aucun qui soit comme lui digne de toi. Sa maison est ancienne. Si sa fortune n'est pas l'égale de la tienne, elle est cependant suffisante. Enfin, c'est un homme d'intelligence supérieure et d'esprit sérieux. Au lieu de perdre sa jeunesse dans les frivolités à la mode, il a travaillé. Il a fait de bonnes études en droit. Il a voyagé en séjournant dans les pays étrangers où il y a à apprendre, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, et avec le don de la parole qui est naturel chez lui, on peut être certain que quand il entrera à la Chambre, il sera un des meilleurs députés de notre parti. Quel âge a-t-il donc ? Il aura juste 25 ans à son élection. C'est pour la préparer qu'il est en ce moment dans son département. Il en reviendra dans 6 semaines, et alors nous déciderons le mariage. Tu seras comtesse d'Unière, ma mignonne, et comme tu apporteras à ton mari la grandesse d'Espagne, il pourra timbrer ses armes de la couronne ducale.